marque un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, la 542e émission de Johnny de A à Z, ici sur RIG, rigfm.fr et aussi sur le 90.7 de la bande FM. Je suis heureux de vous retrouver après une petite période de pause. Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Oui, le temps de se recharger les batteries et tout ça, de temps en temps, il le faut également. Mais je vous ai concocté une émission qui, en principe, devrait vous réjouir. Ce soir, on va écouter Johnny Hallyday en live, mais pas n'importe quel live. Vous savez très bien que le 22 mars 2024 est sorti l'album Johnny Unplug, la musique que j'aime, avec 12 titres sur la version CD, dont 5 versions inédites comme Bibapalula, Noir c'est Noir, Les Coups, Jusqu'à Minuit, Je suis seul, et aussi le vinyle, où est exclu de ces 12 titres le titre À propos de mon père. Donc il n'en a que 11 sur le vinyle. Et bien, ce que je vous propose, non, on va pas écouter l'album Johnny Unplug, la musique que j'aime, mais on va écouter ces chansons sont là, c'est-à-dire Bibapalula, Noir c'est Noir, Les Coups, Jusqu'à Minuit, Je suis seul, Love Me Tender, À propos de mon père, La musique que j'aime, Le chanteur abandonné, Je la croise tous les matins, Gabriel, J'ai oublié de vivre, en live. Tout ça en live et avec beaucoup de tipiaques, des pirates, des bootlegs, comme vous préférez. Êtes-vous prêts pour écouter déjà ce premier bootlegs? Tout à fait, exactement. Un enregistrement que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, celui de la des Francopholies de La Rochelle, le 14 juillet 2015. Donc c'est un pirate qu'on peut écouter, que vous devez avoir sûrement aussi dans votre discothèque, ou CD-tech, comme vous voulez. C'est le titre Gabriel, car on le retrouve sur cet album Johnny Unplug, la musique que j'aime. Bonne écoute et bonne émission à toutes et à tous. On se retrouve juste après ça. clap. Francopholis de La Rochelle, le 14 juillet 2015. On le retrouve tout de suite sur la scène de la Cigale en 2006. Johnny interprète Tennessee, et Tennessee a été repris également lors des actes 1, acte 2. Sur Johnny, donc, les orchestrations de Yvan Cassar. Mais ce soir, on va écouter que des versions live avec la vraie voix de Johnny et le vrai orchestre de Johnny. Quelque chose de Tennessee, cette force qui le pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Oui, quelque chose en nous de Tennessee. Le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous était son cri à lui. Oui, quelque chose de Tennessee. Étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure d'autre sème à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. Et quelque chose de Tennessee. Johnny Unplug, la musique que j'aime, retrouve le titre Bebop Lula avec la version de Johnny de Bercy 95. Mais là, on va retrouver John Hayday à La Rochelle, lors de l'Euro d'Atour. C'était le 6 décembre 1995. La Rochelle, vous êtes vraiment bien. Surtout les filles, parce que j'entends plus les filles que les garçons. Les garçons, ce soir, ils sont typiques. bombillos through all the years till the end of time. Well, love me tender, love me true. All my dreams fulfill. Darling, I love you, and I always will. For my darling, I love you, and I always will. Johnny Hallyday à Las Vegas en 1996 avec Love Me Tender, un titre que vous retrouvez sur la compilation Johnny Unplug. On va retrouver tout de suite Johnny à Douai le 1er décembre 2003 lors de la tournée Plus Près de Vous. Et ce titre, je la croise tous les matins. dans son train et moi je rentre. Tous les matins, un titre qu'on n'a pas dans le concert de Bercy 2003, un titre qui a été retiré de la setlist. On va retrouver June Hallyday en l'an 2000, Van Street Arms. On va retrouver June Hallyday à l'Olympia en l'an 2000 avec ce titre. Waouh! Ben oui, c'est ça, ne pas faire une pré-écoute. Voici la chanson À propos de mon père. Et ce soir, vous écoutez June Hallyday en live dans cette émission spéciale Johnny Unplug. Ah, c'est vrai. Vous êtes tout simplement formidable. On n'écoute aucune chanson de cet album Johnny Unplug, mais on écoute toutes les versions qu'on connaît bien ou que vous ne connaissez pas, car ce sont des versions bootlegs. Et là, cette version-là, on la connaît bien. Olympia 2000, Johnny Hallyday sur RIG. J'imaginais ma main d'enfant Et en aparté, je vais vous proposer des duos impossibles, des duos virtuels, comme le duo suivant, John Hallyday et Bob Seger. Vous les connaissez, bien sûr. Bien sûr que vous les connaissez, vous avez déjà diffusé, mais c'est ce soir, c'est Johnny live dans l'émission Johnny de AZ sur AEG. Voici All Time Rock'n'Roll, le bon temps du rock'n'roll. le rock'n'roll, John Hallyday et Bob Seger à l'instant sur le thème de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. On retrouve John Hallyday au Parc des Princes à présent avec le titre Le Chanteur Abandonné, qu'on retrouve également dans cette compilation Johnny Unplug, La Musique que j'aime, qui est sortie le 22 mars 2024. Ce n'est pas cette version-là qu'on entend sur l'album, non, non, c'est bien celle du Parc des Princes. Bah oui, Johnny Live ce soir, Johnny Live. Abandonné à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait. Le meilleur, il se demande qui il est. Écoutez Rigé et l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, John a aidé en live. On écoute les chansons, du moins les chansons qui figurent sur l'album Johnny Unplug, mais ce ne sont pas ces versions-là qu'on entend. Ce sont les autres versions, les vraies versions live de John a aidé, comme ce Johnny a aidé à Vélizy en 1982, où il reprenait ce titre « J'ai oublié de vivre ». Formidable. Vous savez que ça fait vraiment plaisir de terminer cette tournée ici avec vous. Et vous pouvez pas savoir ce que ça représente pour un chanteur et un groupe sur scène de chanter le soir et de chanter devant tous les soirs des gens qui sont vraiment du fond du cœur, vraiment super. Je crois que ça nous récompense pour bien des choses. On oublie la fatigue, on oublie tout quand on est avec vous, ça c'est formidable. Et pour ça j'aimerais terminer avec une chanson que je n'ai jamais chantée sur scène avant cette tournée. Une chanson que je pense que vous avez bien aimée il y a quelques années. Une chanson qui commence à peu près comme ça. Scènes violentes sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force assez fort pour faire bouger mes doigts, pour faire vivre mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux. Force de crier mon amour jusqu'aux cieux. À force de jeter mon cœur dans un micro, portant les projecteurs comme une croix dans le dos. Bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. Oui, à force de changer la couleur de ma peau. À force d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommeil pour me faire chanter. Oui, à force de courir sur les routes du monde pour les yeux d'une brune, cœur d'une blonde. À force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable. En 1982. À présent, on va le retrouver, Johnny Hallyday, en duo virtuel live avec Rod Stewart et ce titre, Hot Legs. Dans cet album Made in Yvan Cassar, dans cet album Johnny Unplugged, la musique que j'aime, qui était sorti le 22 mars 2024, on retrouve 5 titres inédits, dont Bebop Lola, Noir c'est Noir, Les coups jusqu'à minuit, Je suis seul. Ce sont ces 4 titres, Noir c'est Noir, Les coups jusqu'à minuit, Je suis seul, que je vous propose d'écouter, mais en répétition, Johnny en répétition, le 29 août 1998 au Zénith. Quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, un medley de rhythm and blues. Donc, je crois que ça sera bon.

et à t'écouter chanter et puis rire. Mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Johnny au Zénith, à nouveau un duo impossible, un duo virtuel, John Hayday et Elvis Presley avec Lottie Miss Cloudy. Dans ce Johnny live, on va découvrir à nouveau une chanson. J'aimerais pouvoir souffrir encore comme ça. Johnny Hallyday en bootleg. C'était à Fargeau Pontierry le 26 mars 1985. Avec cette reprise de Kenny Rogers. Et entre nos déchirures, le regard. Un peu tous les titres que Yvan Cassa a repris pour Acte 1, Acte 2 et Johnny Unplug, notamment ce titre-là, M'arrêter là, mais c'est la version de Bercy 2003 qu'on écoute ce soir. Un jour ou l'autre, m'arrêter là, trouver les mots, trouver l'endroit, prendre le temps. D'être avec toi, seul et autant que tu le voudras. Et comme jamais, non jamais, ouvrir les yeux, revivre après et mourir à te dire je voudrais, oui pour dire je veux. Et je m'en vais, pour je m'en veux m'arrêter là, puisque c'est mieux, puisque c'est là, oui devant mes yeux. La vie entre tes doigts, encore une vie, oui encore une fois, comprendre aussi ce que tu vois, ce que tu vivais contre moi, et comme jamais, non jamais. Revivre après, mourir à peu dire je voudrais, et pour dire je veux, et je m'en vais, pour je m'en veux m'arrêter. Merci pour tout. À bientôt. Trouvé Johnny Hallyday en 1988, le 9 juillet exactement, à Mont-de-Marsan, et ce titre, L'Envie.

plus tôt, en 1982, Johnny faisait le Palais des Sports. Et là, nous allons aller à la première date de ce Palais des Sports, le 14 septembre 1982, avec un titre qui a été chanté lors de la première. Eh bien non, ça remarche. Et lors de cette première, il a interprété Derrière l'amour, un titre qui a été sucré, supprimé par la suite. Quitte le Palais des Sports pour rejoindre Johnny Hallyday à Boulazac, c'est dans le Périgord, oui oui, dans le Périgord, le 12 février 2016, avec ce titre, Le Pénitencier. virtuel. John Hallyday et Bob Seger avec Comme un rock, avec John Hallyday à Las Vegas. Vous écoutez toujours Johnny de A à Z, ici sur RIG et nulle part ailleurs. Stood the bowl, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. The height of summer, I'd never felt that strong. Like a rock. J'avais 20 ans, les choses étaient claires. J'ai trouvé une femme que j'aimais. Il n'y avait pas de mystère, un amour très fort, comme un rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right. Like a rock. Comme un rock, j'avais confiance en la vie. Comme un rock, il pouvait rien m'arriver. Mais comme un rock, c'était parti pour durer. Puis comme un rock. On retrouve John Hallyday à l'Olympia en l'an 2000 avec le titre Quelques cris sur le thème de RIG, bien sûr, dans l'émission Johnny de A à Z. Johnny live ce mercredi. J'ai poussé On écoute dans l'émission spéciale live de Johnny Hallyday, Johnny qui chante du moins des titres qui ont été repris sur acte 1, acte 2, confectionné par Yvan Cassard, dont le nouvel album aussi Johnny Unplug, la musique que j'aime, qui est sorti le 22 mars 2004. Petite compil ce soir, live avec les vrais live. Et là on retrouve Johnny Hallyday aux arènes de Nîmes le 17 juillet 2016 avec le titre La musique que j'aime. Et évidemment, Greg Slapp à la Monica. Et qui a joué également lors du Johnny Symphonique Tour. Qui prend bientôt fin. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de bleu. Les mots ne sont jamais les mêmes. Exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante tout le temps que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, les mains noires lui donnaient le jour. la chantier Dieu, et puis l'amour. Périodes de haut, mes périodes de bas. Tout mon tour de chant est basé là-dessus. Si tu veux, le seul moment où je suis peut-être sincère avec moi-même, c'est quand je suis sur scène. Et je leur raconte un peu ma vie. Et c'est peut-être pour ça que je suis sincère. Et que je me donne à fond. Et on termine cette émission Johnny Live avec le titre Sur ma vie, extrait du spectacle Que je t'aime, qui a été donné en 2021 et sous l'orchestration de Yvan Cassar. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. J'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu. T'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et même à présent je tiendrai sûrement malgré tout le mal que tu m'as fait. Sur ma vie, chérie, je t'attendrai. Chef de cette émission, Johnny de A à Z, Johnny A à Z live avec John Hallyday en concert évidemment, mais en bootlegs, la majorité des titres, et j'espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'IDL, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Aimez RIG et la diversité de ses émissions ? Pour pouvoir continuer, nous avons besoin de votre aide. RIG est une radio locale associative non commerciale. Vous aussi, faites vivre votre radio en faisant un don à RIG. Merci de votre soutien. Contactez-nous par mail à direction@rigfm.fr. Direction@rigfm.fr.